Chapitre 24 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Xavier. Le petit Xavier dit à ses petits camarades, Maurice et Jean, « Jouons. Je serai le cocher, Maurice sera le cheval, et Jean sera le chien qui aboie après la voiture. » Maurice fit très bien le cheval. Il hennissait, levait les pieds très haut, et paraissait s'amuser beaucoup. Alors Xavier dit, « Je voudrais être le cheval. »« Comme tu voudras, » dit le petit Maurice. Le petit Jean, qui faisait toujours le chien, aboyait de toutes ses forces, courait à droite et à gauche, et semblait très content. Alors Xavier dit, « Je voudrais être le chien. » Mais sa mère, qui regardait jouer les trois enfants, dit à Xavier, « Je crois bien que tu voudrais être à la fois le cocher, le cheval et le chien. »« Oh oui, » dit Xavier. Mais on ne peut pas être tout. Il faut choisir. C'est bien ennuyeux. » Fin du chapitre 24. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.